Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Voilà ma vie, ça serment, loi des serments hypocrites. L'amour de la famille vaut plus que la richesse des Rothschild. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre, j'ai laissé place à Philippe Scofield. Plus d'une figure dans mon sac, appelez-moi le drapeau humain. La vie est un combat et je porte mon fardeau d'une main. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre, dans la peau de Philippe Scofield. Peu importe le liquide, le buzz ou le talent, je m'impose, je finirai pas un bœuf sur la langue. Pour avancer, bien sûr qu'il faut penser ses blessures avant. Je développe mon mental et remballe ton vécu de savant. Les entraînements s'enchaînent, j'y mets du cœur à l'ouvrage. Oui, mais sache, on est très loin de la magie du monde de Poudlard. Mon histoire de long en large se lie entre mes tatouages. Rien à prouver à la jalousie, je combats au nom du courage. Juste le père de ma fille, le mari de ma douce femme. On ne me verra plus perdre la vie au bout d'un coup de lame. Je prépare l'avenir et la mine n'en doute pas. Je n'écrase personne, ne va pas croire que je me sens coupable. Je vous laisse parler, je suis pas prêt à décevoir l'entourage. Chaque année je me bâtis autant qu'il y a deux jours dans 12 mois. Je vous laisse parler, je suis pas prêt à décevoir l'entourage. Chaque année je me bâtis autant qu'il y a deux jours dans 12 mois. Voilà ma vie, ça serment, loi des serments hypocrites. L'amour de la famille vaut plus que la richesse des Rothschild. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre, j'ai laissé place à Philippe Scofield. Plus d'une figure dans mon sac, appelez-moi le drapeau humain. La vie est un combat et je porte mon fardeau d'une main. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre, dans la peau de Philippe Scofield. Jamais je n'oublierai le 8 janvier 83. Et quand je vous quitterai, le monde entier s'en souviendra. Un drapeau humain pour effacer mon chemin de croix. C'est pour l'amour de la famille et l'armée qui me soutiendra. Jamais je n'oublierai le 8 janvier 83. Et quand je vous quitterai, le monde entier s'en souviendra. Un drapeau humain pour effacer mon chemin de croix. C'est pour l'amour de la famille et l'armée qui me soutiendra. Voilà ma vie, ça serment, loin des serments hypocrites. L'amour de la famille vaut plus que la richesse des Rothschild. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre, j'ai laissé place à Philippe Scofield. Plus d'une figure dans mon sac, appelez-moi le drapeau humain. La vie est un combat et je porte mon fardeau d'une main. J'ai dit adieu au vice avant que l'histoire se finisse trop vite. Enfermé sur terre dans la peau de Philippe Scofield. Comment t'es-je battu? Tu es trop rapide. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles? Dans un endroit pareil. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.